Mardi soir. Ce soir, le dernier sans doute que je passerai à Lille, j'ai vu Ménou tout à l'heure. Il part demain, le vent est bon, et il y a des chances pour qu'il demeure tel jusqu'au matin. Les jambes molles, la tête bourdonnante encore de tout ce bruit de houle qui fait une basse continue et profonde, toujours la même autour de l'île, je relis distraitement mes notes dans la cuisine de Kernaleghen, à l'abri de la tempête, tandis que le brave homme triture sur le foyer un de ces ragoûts extraordinaires où, dans des sauces roses et bleues, nagent d'invraisemblables victuailles. « Qu'est-ce que ce morceau, Kernaleghen ?»« Du gésier sans aucune faute, monsieur. Du gésier de poulet garanti. »« Et celui-là ?» De la culotte de bœuf, donc, mon bon monsieur, tout ce qu'il y a de meilleur comme culotte. Culotte et gésier, j'y suis fait maintenant, et aucun mélange adultère ne trouble ma résignation. Kernaleghen va, vient, souffle son feu, tâte sa sauce d'un doigt, ensuite il suce, ajoute du poivre, pousse un soupir, et tourne vers moi des yeux mouillés de supplication. C'est que j'ai refusé jusqu'ici de lui dire mon sentiment sur les Iliens. Il sait que je pars demain, et sa démangeaison de curiosité est si vive qu'il ne tient plus en place. « Alors, monsieur, on ne peut pas connaître ce que vous pensez des Iliens ?»« Asseyez-vous, Kernaleghen, lui dis-je, et quittez votre ragoût, car mon estomac peut attendre. Mais non, je pense, votre curiosité. » Ce que vous m'avez conté des Iliens, les gens d'Audierne me l'avaient appris déjà. On se jalouse ferme d'un bord à l'autre du détroit. Quelle raison à cette jalousie ? Je ne l'aperçois pas très distinctement. Il est vrai, peut-être, que nous sommes point ici chez les Phéaciens, hospitaliers et vertueux, mais de Phéaciens à Rastaquer, la distance reste tout de même infinie, et il y a bien des moyens d'humanité entre ces deux extrêmes. Retirez Rastaquer, Kernaleghen. Je consens que ces gens-ci aient une religiosité excessive, mais à qui se recommanderait-il qu'au bon Dieu et aux saints ? Ils sont quémandeurs. Cela ne fait aucun doute, mais ils ont longtemps souffert et ne sont point encore habitués à leur bien-être. Ils se croient plus malheureux qu'ils ne sont, mais ils le croient réellement. Et c'est vrai encore, Kernaleghen, qu'il y a parmi eux d'acharnés pilleurs d'épaves. Seulement vous et les gens d'Audierne avez oublié de me dire que ce sont aussi d'admirables sauveteurs d'hommes. Leurs ancêtres avaient un renom terrible chez les navigateurs. On les appelait les démons de la mer. Aux vagues notions de christianisme qu'ils tenaient de leurs premiers apôtres, on leur voyait mêler les pratiques les plus saugrenues, sacrifiant aux fontaines et récitant l'oraison dominicale devant la nouvelle lune, Panem nostrum quotidianum, un bon naufrage d'âme lune pour la marée de cette nuit. Mais enfin le père Monnoir aborda chez eux en 1624 et commença de les débarbouiller. Il conféra les ordres à un simple marin de leur clan qu'il avait distingué pour sa piété, qui s'appelait le Sûr, et qui fut leur premier pasteur. Par lui, ils apprirent à voir des frères, et non plus des ennemis, dans les malheureux que la tempête jetait sur leurs côtes. Savez-vous bien, Kernaleghen, que de 1763 à 1817, ils sauvèrent ainsi, au rapport de Fréminville, 20 équipages de navires étrangers et français. En 1794, le séduisant, monté par 800 matelots et marins, fit côte sur le grand Stevenek. Ils les sauvèrent tous jusqu'au dernier. Mais rappelez-vous seulement ce qui s'est passé sous vos yeux dans ces dernières années. Songez aux 19 marins du navire espagnol Mesquidor, aux 30 hommes du Norvégien Baltique, à l'équipage anglais du Pretoria, à celui du trois-mâts français Joséphine Henriette. En 1885, la Société centrale des naufragés décernait le prix Mecquet au canot Sainte-Marie de l'île de Saint. En 1892, elle lui attribuait le même prix avec une médaille d'or pour le patron Ambroise Ménou et des médailles d'argent pour les hommes de son équipage. Pensez-vous que la Société ne sache point ce qu'elle fait ? Mais elle savait au contraire que Ménou et ses hommes avaient 20 fois exposé leur vie par mer démontée, en plein hiver, de nuit, dans les brisants, la houle et la brume. Et il y faut peut-être quelques sentiments du devoir et un certain amour de ses semblables. Les corps même que vomit la mer sont ici l'objet des soins les plus touchants. Qui trouve un cadavre inconnu sur la grève s'agenouille, et sur son front, ses yeux, sa bouche, pieusement, trace le signe de la croix. La triste dépouille est aussitôt portée à l'église. et si un reste de superstition ou de défiance s'oppose encore à ce qu'on l'accueille dans le cimetière paroissial, elle recevra du moins tous les honneurs funèbres et le tribut de compassion qu'on doit au malheur. Après cela, peut-être vaudrait-il mieux que ce respect des naufragés s'étendît à leur bien. Mais est-ce ici seulement que l'épave est regardée comme un don du ciel, la manne d'une attentive providence? Il n'y a ni gendarmes, ni douaniers à l'île. Mais sur la grande terre, où ne manquent ni les gendarmes, ni les douaniers, leur présence empêche-t-elle les riverains de courir au passé, quand ils peuvent? La lune d'Audierne ne vient-elle pas d'être pillée près de Pamar, sa grande toile tailladée, 400 francs du bord soustraits? À l'île grande et au Conquet, des procès-verbaux ont été dressés l'autre semaine contre une trentaine de pêcheurs faméliques, qu'un naufrage de conserves et de vins n'avait pas trouvés assez indifférents. La vie est dure, Kernelegen. Il n'y a pas de petit profit pour qui peine matin et soir. Mais je vous accorde que Lilien est trop empressé à profiter du bien d'autrui. Je l'aurais voulu moins âpre contre les pimpolets qui viennent ici l'été. Le champ de la mer est assez vaste pour tous, et ces pimpolets sont plus une ressource qu'une charge pour l'île. Était-il donc bien humain, comme le voulait votre Yann Pask, de leur fermer tout asile? Est-il même d'un bon chrétien de leur faire payer l'eau des citernes? J'ai lu chez Adolphe Paban qu'un archéologue aborda naguère à Saint pour y fouiller le dolmen de Liffrand, mais il eut l'imprudence de dire qu'on y trouverait peut-être quelque trésor. Avant qu'il eût donné un seul coup de pioche, le sol avait été profondément fouillé dans la nuit sous tous les mégalithes. Ah, Proguin, quémandeur, Lilien manque par surcroît de cette mesure qui est une forme de la probité. La mer lui a-t-elle causé quelque dommage? Il réclamera le double de ce qu'il a perdu. C'est un point que je n'ai pas manqué d'aborder dans mes conversations avec Mathieu Posmoguer. Mazo, comme on l'appelle familièrement, suivant la coutume de l'île qui affuble chacun d'un sobriquet. Je ne lui ai point caché qu'on était assez mal disposé sur le continent à l'égard des Iliens. Leurs constantes réclamations et l'exagération qu'ils y apportent leur ont aliéné bien des sympathies. On reproche aux municipalités précédentes d'avoir fait argent des bonnes places. Elles auraient même, à plusieurs reprises, détourné des fonds qui ne devaient aller qu'aux pauvres. Et je n'ai éprouvé aucun embarras pour parler ainsi à Mazo. Quand je n'aurais pas connu sa conduite pendant la tempête, quand on ne me l'aurait pas dépeint comme un homme loyal et franc, en qui la majorité des Iliens voit leur chef naturel et qui est disposé à faire cesser des abus vraiment insupportables, il m'eût suffi de regarder cette tête jeune et candide, aux beaux yeux de rêve, une tête de Celte blond, très rare ici, et qui semble dénoter une origine à part. Les îles, par leur situation, leur facilité d'atterrissement, présentent fréquemment de ces anomalies ethniques. Celui-ci est évidemment un Kemris de la Grande Terre, et je vous dirai, Kernelegen, qu'à la différence de Yann Pask, Mazo n'a fait aucune difficulté pour reconnaître qu'une partie de ses reproches était fondée. Sur le chapitre même des travaux à entreprendre et des indemnités qu'il convient d'accorder aux sinistrés, j'ai rencontré chez lui la plus louable modération. Vous savez que les Iliens ont demandé de tout temps qu'on surélevât leurs digues. J'avais vu M. le Corvésier la veille. Il m'avait dit qu'il fallait renoncer à ce travail qui coûterait plusieurs millions. La reconstruction des parties écroulées dans les digues actuelles devrait seule, en l'état des choses, préoccuper les ponts et chaussées, et c'est un travail qui lui paraît fort suffisant. Mais M. le Corvésier prêche pour son saint, et son optimisme est surtout d'ordre administratif. La vérité, je crois, est que si l'on voulait vraiment défendre d'île, sans procéder à une surélévation totale des digues, il faudrait opérer la jonction du quai du Laine avec le quai de l'Engana. 100 mètres environ à construire, la dépense serait faible. Et sans doute, me disait Mazo, il nous serait agréable aussi de voir joindre le quai du Porcaïque avec celui de l'Hervilly et prolonger jusqu'au Nérote la digue de Roquepiquet, qui ferait ainsi du port un vrai port de relâche. Mais ce sont de gros travaux, et par d'ordre d'intérêt, ils ne viennent qu'au second rang. Nous nous en rendons bien compte nous-mêmes. L'État, d'ailleurs, n'en prendrait point toute la charge, et les Iliens consentiraient volontiers à faire des corvées pendant le mauvais temps. Et comme je m'informais près de Mazo à quel chiffre approximatif il évaluait le dommage causé aux particuliers pendant la tempête, Il me répondit sagement que pour n'être point taxé d'exagération, et quitte à demeurer bien en deçà de la vérité, il ne demanderait que 10 000 francs sur le crédit de 150 000 ouvert par les chambres pour venir en aide aux sinistrés de Bretagne. Reste à savoir, m'allez-vous dire, comment se fera la répartition de ces 10 000 francs et des sommes précédemment envoyées par les journaux et les particuliers. Rassurez-vous, Kernalegen, tant que l'élection de Jan Pasque ne sera point validée, une protestation de 140 électeurs sur 200 vient d'être adressée au préfet, Mazo continuera de faire fonction de maire. S'il est encore en place au moment de la répartition des secours, il aura soin d'appeler dans la commission des gens éprouvés et ce qui ne s'est point vu jusqu'ici, un des fonctionnaires à demeure dans l'île, le syndic ou le médecin. L'argent, cette fois, ira bien aux malheureux et rien qu'aux malheureux. Kernalegen, bouche bée, interdit et confus, ne m'a pas interrompu une seule fois pendant tout ce discours. Il se lève sans dire mot quand j'ai fini. Je vois bien que mes confidences lui ont donné une pauvre idée de ma judiciaire. Ce ne serait rien s'il n'y venait s'ajouter la plus sensible déception. Évidemment, ce n'est point à ce coup encore qu'il tient sa brigade. Et quelque temps plus tard, chaussant ses besicles et se penchant sur son registre pour établir ma note, j'admirais tout ensemble, aux longues méditations qu'il occupait et à la progression inattendue des colonnes, combien le ressentiment est naturel à l'homme et la forme ingénieuse qu'il peut revêtir dans le cœur d'un gargotier. Audierne, mercredi. Je suis sur la grande terre. La chose n'est point allée toute seule, et j'ai bien cru qu'il me faudrait encore rester à l'île aujourd'hui. Nous devions partir à Pointe-d'Aube, mais le vent était tout à fait tombé, ce qui n'empêchait point le ressac ni la houle. Sur le quai Saint-Guénolé, où j'arrive en même temps que le docteur Collin, non moins impatient que moi de partir, on nous apprend qu'un steamer a sombré pendant la nuit. Les chaudières ont dû faire explosion, car les épaves que vomit le rat sont toutes noires et hachées. La mer descend, on ne pense plus que la poste puisse partir quand la brise commence à fraîchir. Mais nous, qui est à bord, nous fait signe de la main. Vite, il faut embarquer et profiter de cette bonne fortune. Un canot nous attend au pied de la cale. Mademoiselle Collin, qui accompagne son frère, s'embarque avec nous. La famille du nouveau médecin, la famille du syndic et 2 ou 3 autres sont venus aux adieux. Mademoiselle Collin pleure, son frère lui-même est tout attendri. Il n'y a si triste lieu qu'on y laisse impunément 3 ans de sa vie. Et le séjour à Saint peut cependant compter dans le genre. Que de fois le soir, en rentrant chez Kernalegen, saisi dans cette solitude infinie de la mer, j'ai ployé sous une impression de détresse poignante à crier. J'éprouve combien le cœur, comme les plantes des ruines, s'attache à sa détresse même. Voici qu'à cette heure grise du jour, où la voile se déplie et couvre de sa blancheur tout un pan du ciel, je sens comme un confus déchirement, et qu'il se lève aussi pour moi de cette terre en veuvage, la mélancolie des choses qu'on ne reverra plus. Et un autre sentiment obscur, cette religion frémissante qui nous courbe vers les lieux témoins des grands événements du passé, me retient sur le plat-bord du navire, les yeux tournés vers la tragique prisonnière des mers. C'est ici l'île sacrée de la légende celtique, Enesun, l'île des 7 sommeils, mitoyenne entre la vie et la mort, bouche de l'Anvin, soupirail de l'invisible sur le connu, principe et fin des 2 ordres d'existence. Ici parlait au témoignage de Pomponius Mela, l'oracle le plus écouté de la Gaule, desservi par 9 vierges, que les Gaulois nommaient Seine. Ils croyaient qu'elles pouvaient annoncer l'avenir et par leurs incantations soulever la mer et les vents, prendre 1000 formes animales, guérir les maux les plus rebelles. Ici, selon Forcatulus, Merlin fut instruit par les fées. Au déclin du druidisme, quand les ermites et les moines eurent dispersé le collège des 9 vierges, cachées sous les roches vacillantes du Menconoc, elles vendirent pour vivre le beau temps aux marins. C'est sous ces flots, labourés par notre étrave, que s'étendait la ville d'Is, si vaste et si peuplée, si belle aussi, que Paris, dans son impuissance à la surpasser, s'est voulu dire seulement son égale. Par Is. Autre Gomorre, elle défia la vengeance de Dieu, et un soir Caès et son rouge cavalier menaient sur les ciboires et les hosties profanées l'infernal branle des 7 péchés capitaux, la mer s'enfla brusquement, rompit les digues et couvrit la ville. Caès, changée en Marie Morgan, en fée traîtresse de l'abîme, rôde à fleur d'eau dans les courants du Raz, et qui vit une fois son buste levé, ses seins aigus, sa souple chevelure et la main qu'elle tend devant ses yeux pour fouiller l'horizon, ne rêva jamais plus d'une autre femme. C'est sur ce promontoire, veillé par l'œil vert de la morne Gorlébella, qu'au dire de Claudien, Ulysse trouva le terme de ses longues erreurs, et après de sanglantes libations, évoqua le peuple grelottant des ombres. Et, comme au temps d'Ulysse, l'air est agité d'un sourd frémissement. Autour de ce promontoire, Procope raconte qu'il y avait plusieurs villages occupés par des pêcheurs, des laboureurs et des marchands. Quoique soumis aux francs, ils ne leur payaient point tribut. Ils prétendaient que c'était un privilège, et comme la rançon de leurs conditions misérables, qui, seuls entre les vivants, les obligeaient à vaquer au service des mânes. Dans le milieu de la nuit, une voix les appelait du dehors, ils quittaient aussitôt leur lit de goémon et couraient au rivage, en proie à une volonté supérieure. Là, ils trouvaient des barques, vides en apparence, et qui pourtant ne s'élevaient pas d'un travers de doigts au-dessus de l'eau. Il leur fallait conduire ces barques jusqu'au pied d'une île placée sur la limite extrême de l'horizon. Ils ne voyaient personne, ni pendant le trajet, ni pendant le débarquement, mais, arrivés à destination, ils entendaient la voix, qui, en remettant les mânes à leur nouveau gardien, les nommait par leur nom. Maintenant encore, au lever du soir, il n'est pas rare qu'on aperçoive dans les eaux de Sein un bateau qui glisse silencieusement, chargé d'êtres invisibles. Des replis de sa souterraine demeure, le sombre roi de Lanvin gouverne toujours l'île des sept sommeils. C'est lui qui fait si profond le regard des femmes, ce regard magnétique et noir qui vous suit longuement par les rues et dont on ne secoue plus l'obsession. Et qui aurait-il en vous, prunelle ténébreuse des Iliennes, sinon cette démence voluptueuse de l'au-delà? C'est lui qui glace le sourire sur les lèvres de l'étranger débarquant à Sein pour la première fois, et qui donne à sa rêverie ce tour émouvant et funèbre. Tant de fantômes décolorés, qui furent des marins obscurs ou des héros imposants de légende, finissent par voiler de leur poussière le soleil des vivants. Mais ce crépuscule même a sa beauté, et l'air naturel paraît fade à qui goûta une fois de cette cendre mortuaire. Ici se termine 4 jours à l'île de Sein de Charles Le Goffic.